Ouais, nique les keufs. Depuis l'enfance, ouais. T'as jamais baisé une meuf, toi t'es bon qu'à niquer l'ambiance. Avec Rico, on serre les côtes, ouais. Tous les autres beaux que j'ai pas la main. Non. Frérot, la vie d'artiste, c'est mieux que le rêve américain. Ouais. Pas dans ma femme, mais des épées, des copes de golf, des katanas. J'fume pas de CBD et j'encule fort le CSA. Des fois, j'reçois des gros virements, comme si j'vendais des joueurs de foot. On te laissera pas d'argent, même pas le bénéfice du doute. Niquer des mères, j'vais pas changer, je fais si bien. Des fils de veulent me faire, la bagarre c'est mon quotidien. La mort m'a frôlé plus d'une fois, depuis la célébrité. J'rebaisse le rap une dernière fois, pour mon congé paternité. Chaque fois que j'arrive, c'est la catastrophe. J'arrive en dérapage, j'écrase ton chien, ta femme, tes gosses. Des fils de pute, ça va finir en catastrophe. J'vais pas au rattrapage, j'ai 20 sur 20 car j'baisse la prof. On t'encule tes morts et leurs calottes, hey. Ta mère on la ligote, on la tâche. J'baisse dans des palaces et dans des chiottes. Sur mon school faut des loupiottes, il faut que ça brille. Plus de 10 ans que j'conduis sans m'y perdre. 10 sur 10 sur l'échelle de Richter. Ma vie est un film qui mérite un documentaire. Fais-les comme personne, personne. Casser des trucs, j'adore ça. Ma meuf c'est une reine, toi une calzone. Tout baiser, j'étais fait pour ça. On l'a loin que sa mère la patrie, ouais. Le succès m'a signé en CDI, non. J'écoute ni la télé ni les ondes, ouais. J'vends des cartes collector et des scuddies. Niquer des mères, j'vais pas changer, je fais si bien. Tes fils de veulent me faire, la bagarre c'est mon quotidien. La mort m'a frôlé plus d'une fois, depuis la célébrité. J'rebaisse le rap une dernière fois, j'prends mon congé paternité. Chaque fois que j'arrive, c'est la catastrophe. J'arrive en dérapage, j'écrase ton chien, ta femme, tes gosses. Tes fils de pute, ça va finir en catastrophe. J'vais pas au rattrapage, j'ai 20 sur 20 car j'baisse la prof. Chaque fois que j'arrive, c'est la catastrophe. J'arrive en dérapage, j'écrase ton chien, ta femme, tes gosses. Ça va finir en catastrophe. J'vais pas au rattrapage, j'ai 20 sur 20 car j'baisse la prof.